48. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Une quarantaine d'emplois sont menacés chez Eurostation, une filiale de la SNCB. Le conseil d'administration l'a annoncé aujourd'hui. Il compte procéder à un licenciement collectif d'une partie de son personnel et cela en raison d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires. 172 personnes travaillent actuellement pour Eurostation. Une rencontre aura bel et bien lieu aujourd'hui entre la direction américaine de Caterpillar et le gouvernement wallon. Le Premier ministre Charles Michel sera autour de la table pour une discussion franche et constructive. Ce sont les seules informations qui ont filtré. Pour l'instant, pas de détails sur l'heure et le lieu du rendez-vous. Ils sont tenus secrets. Et puis, autre rencontre à Gosselies, cette fois entre syndicats et travailleurs de Caterpillar. Il sera question de la reprise ou non de la production. Certains travailleurs seraient pour. Et si ça se confirme, la production pourrait alors reprendre dès demain. Si vous avez un smartphone, vous pouvez sûrement vous connecter à l'Internet un peu partout grâce à la 3G, voire la 4G par endroit. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lui, voit déjà plus loin. Il propose la 5G dans toute l'Union européenne d'ici 2025. C'est une des propositions lancées dans son discours annuel sur l'état de l'Union. C'était ce matin devant les députés européens à Strasbourg. Selon lui, développer la 5G d'ici 10 ans environ présente un potentiel de création de 2 millions d'emplois dans l'Union européenne. À l'étranger, en Espagne, 24 blessés dans l'accident d'un car de touristes étrangers à Barcelone. Leur car s'est renversé cette nuit sous une tempête. 3 des 24 victimes sont gravement blessées. L'actualité sportive, c'est le Grand Prix de Wallonie aujourd'hui, donc du cyclisme. Départ dans une heure pour 205 km entre Beaufailly dans la commune de Chauxfontaine et la citadelle de Namur. Du football aussi au programme ce soir. Le club de Bruges monte sur la pelouse européenne à 20h45 précisément. Premier match en Ligue des Champions face aux Anglais de Leicester pour eux. Match à suivre sur Vivacité. Toujours en football, l'élection du nouveau patron européen du ballon rond, c'est aujourd'hui le successeur de Michel Platini à la tête de l'UEFA. Ça se passera en Grèce et deux candidats sont en lice, le néerlandais Michael Van Praat et le slovène Alexander Seferin. Aux Jeux paralympiques de Rio, un Belge à suivre aujourd'hui, Joachim Gérard. Il dispute sa demi-finale du tournoi de tennis en fauteuil en début de soirée. La météo, l'été toujours en prolongation. Aujourd'hui, du soleil et de la chaleur. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés. RTBF Mobile Info avec vous Jean-Marc Strill, il y a un accident sur la E40. Oui, impliquant plusieurs camions, le 40X, la chapelle Bruxelles, aux environs de Barchon. Le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche. Il y a 4 km de fil, vous perdez une petite demi-heure en direction de Bruxelles. Donc soyez prudents, d'autant qu'il y a une perte de chargement et donc des débris sur la route. Par contre, un accident, en tout cas les conséquences sont tout doucement terminées sur le 411 Namur-Bruxelles, à hauteur d'Overays, la chaussée est dégagée, mais il y a toujours des fils sur 5 km. Et vous perdez toujours une bonne demi-heure, voire un peu plus en direction de Bruxelles. Mais tout cela va disparaître dans les minutes à venir. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, uniquement concerné la circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bégard. Les travaux de Cherat vous gênent toujours vers Aix-la-Chapelle sur plus de 3 km. Et sur le 19 Mons-Bruxelles, le chantier d'Arken également pose problème vers Bruxelles uniquement, où ça coince depuis Senef. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, tout de suite sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, retour de l'info à midi. Vandenborre suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. Vandenborre. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Quelle chance de dingue, il y a 17 000 filles autour de moi aujourd'hui. Menteur. Mais des filles qui vont parler de trucs super importants, notamment d'Angélique. Encore une fille. Qui a eu un petit souci avec des meubles, Annie. Elle en a reçu une partie. Et puis depuis le mois de juillet, il n'y a plus rien. Ouais, exactement. Elle a commandé des lits avec des sommiers, des matelas, mais elle a reçu que les sommiers, pas les matelas. C'est un peu compliqué. Ça fait mal au dos. Dans le journal de la Conso, on parle d'un burger Canada Dry. Oui, donc il a le goût du burger de bœuf. Ouais. Il a l'apparence du burger de bœuf. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est quoi ? Il est fait à partir de sang végétal. C'est une invention américaine. Il y a quand même plus d'une centaine de scientifiques qui ont bossé là-dessus pendant 5 ans. Il paraît que c'est pas mauvais. Isabelle, on va profiter de ce merveilleux jour de soleil pour faire le plein de vitamines. Mais oui, alors on le sait tous, hein, le soleil ça peut être dangereux, mais le soleil c'est bénéfique aussi. Alors il faut qu'on en profite pour faire le plein de vitamine D. Ce soir, dans le magazine Question à la Une, on parle d'emballage alimentaire en se posant la question, sont-ils dangereux pour la santé ? C'est vous, François, qui avait mené l'enquête. Ben oui, vous voyez, tous ces beaux emballages légers, colorés, pratiques, ils sont composés de produits chimiques, certains d'entre eux, et ça peut être pas très bon pour la santé. Dans notre question du jour, sur Facebook, on vous parle de travail ménager. Oui, les femmes travaillent plus aux tâches ménagères que les hommes. Oui, Oui, mais là, voilà, il y a une nouvelle étude qui a été faite et qui donne des chiffres, donc on est à 1h20 de plus pour les femmes pour les tâches ménagères, 15 minutes de plus pour s'occuper des enfants. Est-ce que chez vous, ça se passe comme ça ? Comment ça se passe ? Voilà, dites-le nous sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be. Envoyez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Ou laissez un message sur le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura du bon. Avec ce souvenir de Michael Jackson, Human Nature, il y aura aussi Maroon 5. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, jusque 13h. Bienvenue tout le monde. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Now's the time to understand. No. And now I see how we could be. Always do your heart. C'est le nouveau buggy sur Vivacité, le titre Soul. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier en radio, on faisait le point sur les différents contrats de mariage et ça vous a fait réagir sur la page Facebook de l'émission. Oui, pour Aude, mieux vaut se marier sous le régime de la séparation des biens. Oui, au début, on s'aime, on ne se séparera jamais. On n'est pas comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de divorces, nous dit-elle. Ingrid, lorsque je me suis mariée, j'étais jeune, belle, amoureuse et très naïve. Mon mari, déjà très au courant de l'intérêt d'un tel contrat, m'a dit « Nous allons nous marier sous le régime de la séparation des biens. » 32 ans plus tard, nous divorçons et il y a peu, lors de notre visite chez le notaire, il a fait part à celui-ci du fait qu'il a reçu un cadeau de son père, une Mercedes revendue, dont l'argent aurait été, d'après ses dires, injecté dans l'achat de notre première maison. Dois-je vous expliquer la suite ? Oh là là là là ouais. Et alors, plusieurs personnes se demandent à quoi ça sert exactement ces contrats. Eh bien, Chris répond à tout le monde « Ça vous protège en cas de séparation et surtout si l'un des deux a des dettes. » Autre sujet qui vous a fait réagir, c'est Pierre-Étienne qui nous laisse une réflexion sur l'embargo russe dont on parlait hier. Oui, et quand la Russie fait un embargo sur nos pommes et nos poires, on soutient nos producteurs, sans se soucier des distances que nos fruits devraient parcourir pour aller là-bas. Mais par rapport à d'autres fruits plus exotiques, on nous encourage à consommer local pour éviter que ces fruits voyagent de par le monde, sans se soucier cette fois des producteurs étrangers que cette consommation locale mettrait en difficulté. Voilà une belle réflexion. À fond. C'est un super beau débat. Et puis, Jacques qui nous parle aussi des liseuses sur la page Facebook, un sujet qu'on a développé hier en radio et en télé. Je souris toujours un peu quand on affirme que le numérique est plus écologique, dans le cas présent, que le livre papier. On oublie la pollution engendrée par toutes les centrales qui doivent produire l'énergie consommée par les gigantesques serveurs qui font tourner l'informatique et Internet. C'est du nucléaire et des produits fossiles qui alimentent les centrales. Et on termine avec une nouvelle photo de Malou. Oui, donc hier, elle nous montrait l'étiquette d'un vêtement avec un poulet barré, en nous demandant, mais qu'est-ce que c'est exactement ce poulet barré sur l'étiquette ? Pas compris. Est-ce que ça veut dire que les poulets ne peuvent pas le porter ? Bref. Aujourd'hui, c'est une autre étiquette avec des indications comme laver à l'envers, etc. Un tas de symboles, jusque-là, on comprend. Et puis, en dessous, retirer l'enfant avant de laver. Ça peut aider. Mais voilà. C'est logique en même temps. Hein. Mais oui. Sauf si tu veux faire d'une pierre deux coups. Mais vous savez, c'est comme dans les modes d'emploi hein, où il est mis ne pas mettre de chat dans le micro-ondes et des choses comme ça. Mais ça veut dire que si ce genre d'étiquette existe, c'est qu'il y a des fracasses qui l'ont fait. Hein. Mais alors, je dois être honnête avec vous, en regardant la photo, je me suis posé la question, est-ce que ce ne serait pas peut-être un petit montage fait par un petit malin sur Internet ? Pas par Malou, hein. Malou s'est fait je avoir. Je ne remets pas Malou en cause. Écoutez, si vous avez des photos un petit peu bizarres, ou des messages à faire passer à l'humanité. Mais c'est exactement ce que je cherchais. Bah, vous passez par nous d'abord. Évidemment, Facebook. On n'est pas des pigeons sur la page Facebook. Pigeons, pluriel, à rtbf.be pour l'adresse mail. Hein. Et puis le répondeur 070-222-660. Je me rends compte que je ne suis pas très friendly sur ce coup-là. Quand j'ai un problème, tu m'aides, mais l'inverse fonctionne moins bien. Oui, moi je peux courir. On est d'accord. Ouais. Il y a Michael Jackson qui arrive après la pause et puis nous téléphonerons à Angélique qui a un petit problème avec des meubles. C'est-à-dire qu'elle a commandé des trucs, mais tout n'est pas arrivé. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. BMW aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Extrait de l'album Thriller en 1983, c'était Michael Jackson avec Human Nature. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. Il est 11h20, on accueille Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Votre histoire commence le 27 juin. Vous commandez plusieurs meubles au magasin Meubis. Vous avez reçu une partie de la commande le 14 juillet. Le reste devait arriver 15 jours plus tard, en gros à la fin du mois. Mais vous êtes comme... C'est qui ? C'est Soran qui, ne voit toujours rien venir. Il manque des meubles. Vous avez commandé quoi exactement ? Alors en fait, j'avais commandé donc deux lits, une personne pour mes enfants, un lit, deux personnes pour nous, des matelas, le garde-robe, table de chevet et commode. Et en fait, on a reçu donc le lit deux personnes, les deux lits d'enfants, plus les sommiers. Ouais. Mais c'est tout, voilà. Donc on n'a pas reçu les matelas, on n'a pas reçu la garde-robe, on n'a pas reçu la commode et on n'a pas reçu les tables de chevet. Ça, c'est fâcheux. Vous dormez comment alors ? Vous faites quoi ? Ben, heureusement, on n'avait pas acheté les autres matelas, donc ouais. Les enfants ont toujours leur ancien matelas. Heureusement, nous, on avait acheté un modèle avec déjà un matelas dedans, qui est arrivé heureusement en même temps. Donc ça d'accord. Va. Et au magasin, on vous dit quoi alors quand vous allez rouspéter et que vous dites où il sait, où est le reste de la commande ? Ben, en fait, au moment où j'ai rouspété, ben, ils ont raccroché, donc j'ai pas eu de réponse à ce sujet-là. Donc, mais d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'ai un peu regardé après par la suite les avis. Et apparemment, ben, soit c'est, enfin moi c'est ce qu'ils m'ont dit aussi la première fois, c'est que le livreur n'avait pas assez de place dans la camionnette, que c'était prévu dans le planning, mais le planning n'était pas encore là, donc je devais rappeler demain. Et puis finalement, ah ben ils ne savaient pas passer parce qu'ils n'étaient pas dans cette région. Enfin voilà. Et dans les derniers temps, ben je me suis tellement énervée qu'ils n'ont plus voulu répondre au téléphone. Bon, alors on va se calmer et on va laisser Annie faire. Hein. Bon, Annie. Oui, merci. Voilà, alors la commande, c'est quand même pas rien. Hein, 1475 € qui a été payée. Hein, ouais. Oui, tout est réglé. Alors, sur le bon de livraison, donc au moment où on est venu vous livrer la partie de la commande, il est bien indiqué à la main à livrer fin juillet. Donc pour le reste, forcément, celui que vous attendez. Et c'est bon, ça. On a bien compris que c'était extrêmement compliqué d'avoir une date précise pour la livraison. Vous allez sur le site du magasin pour demander, pour avoir des informations. Ou pas ? Ou bien alors, vous faites uniquement ça par téléphone ? J'ai fait ça par téléphone, enfin voilà, j'ai fait déjà tous les moyens, par email aussi, et à chaque fois on m'annonce une date, mais si moi j'appelle pas, ben j'ai pas de nouvelles et je vois même pas le livreur finalement. Voilà, et donc votre demande maintenant, c'est donnez-moi une date précise et un moment de la journée où vous viendrez livrer pour ne pas toujours me renvoyer sans cesse, comme on dit, au calendrier grec. Voilà, on cherche tous nos expressions. Alors, j'ai été voir les conditions générales, hein, puisque vous savez que sur le site, il y a les conditions générales. Meubis met tout en œuvre pour honorer l'envoi et la livraison le plus rapidement. La date de livraison est approximative dans un délai de livraison maximal de 30 jours, qu'on a largement dépassé. Et si la date ne peut pas être respectée, on vous en informe. Et si l'envoi et la livraison sont définitivement impossibles pour une cause extérieure à la volonté de Meubis, l'accord est résilié et le client a droit à un remboursement dans les 30 jours. Bon. Voilà. Et donc, on se demande un petit peu pourquoi ça traînait autant et pourquoi, finalement, on ne donne jamais une explication plausible à la cliente, puisqu'on dit on va venir, mais on ne vient pas. Bon, dans ces cas-là, on donne un petit coup de fil. Direction le magasin Meubis. On a au téléphone Dimitri Samaras. Bonjour. Bonjour. L'explication, elle est où ? Je ne sais pas. Allez, pour être honnête, moi, je fais donc toutes les commandes. On a tout commandé à temps chez les fournisseurs. On avait prévu donc la livraison, je crois, dans un délai de 2 semaines chez madame pour une livraison complète. Apparemment, le fournisseur n'était pas prêt avec la production, donc parce que c'est tout du même fournisseur, donc le modèle Liam qui n'était pas disponible. On a donné donc 2 lits pour madame, car allez, on connaît un peu le problème parfois qu'il manque des choses du fournisseur ou des fournisseurs, c'est pas un problème qui est strictement chez nous. C'est un problème un peu général dans le meuble, mais bon, on essaye toujours de faire notre plus possible. Ce qu'on a fait, on a déjà donné 2 lits pour aider madame, parce que, comme on voit, quand il y a 2 lits, les lits, c'est toujours le plus important. On les a déparés de notre commande pour aider madame. Après, on avait eu un avis du fournisseur que la livraison était prévue après le congé. Comme c'était une livraison début juillet, les fournisseurs ils ferment 2 à 3 semaines. Donc le prochain arrivage était fin juillet, début août. Donc c'est ce qu'on a dit, on va vous livrer normalement fin juillet. Oui, mais on est mi-septembre, il n'y a toujours rien. Vous avez une date à proposer pour une livraison au mois de septembre ? Bien sûr, mais on a déjà eu madame en ligne la semaine passée. Je comprends bien madame que moi je ne sais pas ce qui a été dit. Je sais seulement que mes collègues m'ont demandé quand on peut livrer. C'est possible qu'ils ont dit 2 ou 3 dates, mais quand le planning n'est pas fait, Ils ne peuvent pas le dire avec certitude. Bon, là, est-ce que vous pouvez donner une date, là ? Oui, bien sûr. C'est quand ? On va livrer ce vendredi. D'accord. Comme on a dit la semaine passée au téléphone, déjà, vendredi passé, on a eu madame et monsieur en ligne d'une manière très, très impolie que je n'ai pas eu le temps d'expliquer comme je fais à vous. On a proposé de venir le 16, je crois que c'est le 16, oui. Donc, le planning va être définitivement terminé aujourd'hui. La marchandise arrive demain. J'ai regardé pour ça. Donc, tout est prêt chez le fournisseur pour être enlevé demain soir. Donc, on va venir chez monsieur et madame vendredi. D'accord. Ils ont voilà. une préférence matin, soir. Je peux, allez, essayer de le... Angélique, matin ou soir ? Au matin. Voilà. Absolument. Si c'est possible, monsieur, au matin, comme ça, tout le monde est content. Et comme ça, nous, on peut appeler pour voir si c'est voilà. vrai ou pas. Ouais. On vous rappellera vendredi, en fin de matinée, voir effectivement si vous avez reçu vos meubles. Ça, c'est une très, très belle idée. Voilà, une affaire qui se termine bien. Une affaire qui se termine bien. Et ben, merci d'avoir accepté d'être avec nous, de nous avoir donné les explications. Mais vous comprendrez peut-être l'énervement d'Angélique quand elle téléphone et que c'est la xème fois qu'on lui dit que c'est encore reporté. Maintenant, vous pouvez l'excuser, hein. Maintenant, on va terminer, Annie, parce que ça peut être utile, peut-être, des infos sur les livraisons quand on commande des meubles ou quand on commande tout simplement, peu importe finalement. Peu importe, n'importe quoi. Écoutez, exister. Il faut d'abord veiller à ce que le bon de commande mentionne le délai de livraison et pas n'importe comment. Délai de livraison dans 2 ans, ça ne veut rien dire, c'est beaucoup trop long. Les magasins fonctionnent souvent par semaine 34, 33, enfin peu importe. Il faut que le délai de livraison soit le plus précis possible. Et si on a dépassé le délai de livraison, on dit quand même toujours qu'il faut laisser un petit peu un délai raisonnable. Mais quand ce délai devient déraisonnable, si après 4 mois, vous n'êtes toujours pas livré alors que le délai de livraison était très précis, il faut se manifester, pas simplement téléphoner. On rappelle qu'il faut toujours envoyer un petit écrit, que ce soit un mail. Et s'il faut passer à la vitesse supérieure de recommandée, eh ben, il ne faut pas hésiter à le faire. Et vous pourrez trouver toutes les informations pratiques dans un langage simple et compréhensible sur le site du SPF Economy, www.economy.fgov.be 0800 120 33. Ah, ça, je ne connaissais pas le numéro. Merci Yannick. Il y a Christophe Maé qui débarque. Et puis, dans la foulée, ce sera le journal de la Conso. On vous lira, entre autres, que les voitures 3 portes vont peut-être disparaître. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. La 2 en télé. Rentrez en rire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emporte tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, FX et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se capte et qu'on brunch ensemble un de ces quatre. Qu'on se mate une expo au 104 Larry Clark. Pourquoi pas? Mais pas demain, car madame est surbookée, toujours bloquée sur son MacBook. Et quand elle me dit qu'on peut se croiser sur Facebook, c'est le bouquet. Elle habite Paris, elle a des converses. de Paris, c'est pas que je critique, c'est si différent. Passer le périphérique, c'est plus les mêmes musiques, les mêmes tuniques. Sa mère, ses potes et ses votes catholiques. Je la vois moins souvent parce que madame, oui, part à la mer pour Pâques. Ses amis ont des grandes baraques, Saint-Briac, connais pas. Moi, ma ganache, t'as pas chez mon accent. Je sais, ça fait sourire ses amis bien pensants. Et pourtant, je l'attends souvent dans le vent. J'aimerais qu'elle redevienne un peu comme avant. Les ailes sont verrées, c'est Thomas Bio et son iPhone. Son terrier de Boston, moi la pluie me bastonne. Pendant que je galère, des heures à l'interphone. Mais y'a personne. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Madame est chic, apéro paré au bord de Seine. Madame se complique, la vie à être une bohème. Madame est chic, américaine à part H&M. C'est une hippie chic, mais elle est où la dame que j'aime? Elle habite Paris. Christophe Maé est de retour pour notre plus grand plaisir. Ou pas. C'était La Parisienne. Sur la page Facebook, on vous pose une question. On parle de répartition des tâches ménagères aujourd'hui. Oui, on apprend que les femmes, de manière générale, font 1h20 de tâches ménagères en plus par rapport aux hommes et s'occupent des enfants 15 minutes de plus. Par jour. Est-ce que chez vous, par jour, oui. Est-ce que chez vous, ça se passe comme ça ou pas? Dites-nous tout sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. En attendant de vous lire, on part sur les routes et on demande à Jean-Marc Strel si ça roule. Oui, ça roule de mieux en mieux. Il y a eu quelques soucis ce matin, rien de grave, mais tout de même des conséquences suite à ce camion, à ces camions impliqués dans un accident sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, hauteur de Barchon, où il y a toujours 4 km de fil et vous perdez 35 minutes en direction de Bruxelles. Le chantier de Charente également pose problème uniquement vers Aix-la-Chapelle. Je vous rappelle qu'il est à hauteur de Charente sur le 40, circulation ralentie donc sur 4 km vers Aix. Et puis le ring intérieur est à présent fluide, voilà. Et puis la circulation extérieure, elle, quelque peu ralentie entre Strombeck et Wemel en direction de Grand-Bigard. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h33, on est un petit peu en retard pour le journal de la Conso et on va ouvrir la DH pour apprendre que les voitures trois portes sont amenées à disparaître. Oui, selon les constructeurs, c'est surtout pour répondre à une demande des consommateurs qui ne sont pas très intéressés par les trois portes. Moi, j'en connais qu'ils sont. Hein. Bah oui. Oui, parce que ça coûte quand même moins cher. Hein. Bah, c'est deux portes en moins. Une cinq portes, c'est entre 500 et 1000 euros de plus. Par porte? Non, hein. Mais je réfléchis encore pour vous répondre, moi que je suis naïve. Non, en tout cas, donc les constructeurs ils disent ça que c'est parce que les consommateurs sont pas très demandeurs, mais il faut quand même peut-être voir aussi une autre raison économique derrière. Ça coûte quand même plus cher pour les chaînes de production de prévoir à la fois des modèles 3 et 5 portes que si on dit oh ben maintenant on ne fait plus que les 5 portes. Ouais, mais attends, et comment on fait avec une petite voiture de sport alors maintenant? Tu vas pas mettre 5 portes et une Ferrari ou une Porsche? Oui, mais alors ici, je vous parle des modèles qui traditionnellement sont faits en 3 portes, comme par exemple ben, la Renault Twingo, qui au départ n'était d'ailleurs que en 3 portes, et maintenant elle n'est plus faite que en 5 portes. Et les kékés qui tunent leur bagnole, comment ils vont? Tu tunes pas une voiture de 5 portes quand même? Eh ben, ils feront, je sais pas moi, ils prendront des ancêtres. Il va falloir inventer, les gars. Oui, mais ils vont justement devoir customiser les portes. Pas mal. Hein, ouais. Oui. Donc, je vous disais, quoi? Que la Twingo, la Twingo passe à la 3, à la 5 portes. Eh bien, ce sera pareil, ou c'est déjà le cas pour Clio, Mégane, les Citroën C3, l'Opel Astra, la Mercedes classe A et bientôt la Golf. Donc, mais la C3, s'il n'y a plus 3 portes, ça devrait être C5. Puisque ça va passer de 3 à 5 portes. Non, parce que C5 est déjà pris, ah, non mince, zut. Enfin, je pas pense, grave, on s'en fout. Allez, dans la presse du jour, on apprend aussi que certains utilisateurs de vélos électriques devront bientôt porter un casque. Oui, la mesure sera d'application dès le 1er octobre pour les speed-elec, c'est-à-dire les vélos qui sont capables de rouler à plus de 25 km/h, même sans pédaler. Le casque devra couvrir la nuque et les tempes. Autre nouveauté, le conducteur devra aussi posséder le permis, soit le permis voiture, soit le permis AM, donc c'est le permis cyclomoteur. heures. Il devra aussi assurer son véhicule en responsabilité civile et le faire immatriculer. Donc en gros, ça devient ça une mobylette. Oui, c'est ça, mais voilà. Ça va vite, hein, 25 km. Et ils ne pourront plus non plus emprunter ce qu'on appelle les SUL, les sens uniques limités. Il vaut mieux, de toute manière, peu importe le vélo, avoir un casque. Parce que si tu percutes une voiture, est-ce que ça fait plus mal sur une 3 portes, une 5 portes? Oh, au moins une 5 portes, ça doit faire plus mal. Hein. Si vous avez l'habitude d'utiliser les titres service, il y a un petit rappel, un numéro de compte à changer. Oui, ça fait un petit moment, mais 10 000 personnes se trompent encore chaque semaine. Ah bon? Du coup, vos sous peuvent se perdre ou en tout cas, ça peut ralentir la procédure pour recevoir les titres service. Sodexo, qui distribue ces fameux titres service, prévient d'ailleurs que les anciens comptes seront bientôt clôturés, autant le savoir. Alors, pour être sûr de ne pas se tromper, je ne vais pas vous donner les numéros de compte parce que c'est un peu compliqué, mais allez sur le site de votre région. Donc, pour la Wallonie, c'est Wallonie titre service avec des traits d'union.be et pour Bruxelles c'est titre service au pluriel en un mot .brussels. Et on termine avec la Libre Belgique qui parle d'un burger sans viande. Oui, un steak végétal mais au vrai goût de bœuf, c'est là que se situe la nouveauté. Il a été fabriqué par une société américaine qui s'appelle en plus Impossible Foods, donc c'est déjà assez drôle, pour qui 125 scientifiques ont travaillé depuis 5 ans pour mettre le burger au point. Ils utilisent notamment de l'hémé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une protéines présentes dans l'hémoglobine dans les muscles, mais aussi dans certains végétaux, comme le trèfle ou le soja. Donc on peut appeler ça du sang végétal. Le burger contient aussi des protéines de blé texturées, de la pomme de terre, de l'huile de noix de coco, de l'eau et des arômes naturels. Pour l'instant, on trouve ce burger uniquement dans un restaurant à New York. Il va bientôt débarquer à San Francisco et à Los Angeles. Mais la start-up qui commercialise le produit a plus que le vent en poupe, puisque même Bill Gates a investi dans la société. Donc, à mon avis, ça devrait arriver un jour ou l'autre. Je vais aller le goûter. Je vais demander à la production. J'hésite entre le resto de New York, San Francisco ou Los Angeles. J'hésite. Mais vous ne pouvez pas y aller seul. Hein? D'accord. Bon, ah, il faut au moins deux personnes. Je ne veux pas vous faire déchanter, mais ça a déjà été testé par des blogueurs. Et il paraît que le goût est assez ressemblant. Maroon 5 arrive et puis nous prendrons un petit bain de soleil parce qu'on a besoin de vitamines. Moi, j'aime bien les fruits de saison. Et en automne, vous allez aimer la nouvelle récolte des poires belles. Oh, oui, et leur goût, monsieur Marc. Mmh, oh là là, il est à tomber. Tout comme leur petit prix. Et ça, ça tombe bien aussi. Oui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre assortiment de poires belges en vrac est à seulement 1,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Kamazutra, le son neuf. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur infomazout.be. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Vivacité et la 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 04 07 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. En 2004 déjà, le titre est She Will Be Loved. On n'est pas des pigeons. Et j'ai envie de faire un truc. Je peux ? Est-ce que je peux ? Allez, oui. Denis Colleur, bonjour. Alors, je... Non, mais non, la météo, c'est pas comme ça. Bah si, c'est comme ça qu'il fait. La météo de Nicolas. Nicolas Sébastien. La météo du jour, c'est facile. Tu regardes dehors, tu vois qu'il fait beau, tu t'habilles en conséquence. Non, mais 30 degrés, ciel bleu, on va tous en profiter à mort, hein, Isabelle. Oui, on va en profiter. On va en profiter aussi pour faire le plein de vitamine D. C'est important, la vitamine D. Il faut savoir qu'en fait, presque tous les Européens manquent de vitamine D. Une étude française en 2012 a montré que 80% des Français ont une carence en vitamine D. Franchement, je vois pas, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas chez nous aussi. Et on fait comment pour combler cette carence ? Eh bien, on sort immédiatement, on va se mettre au soleil. Ah, cool. Bon, allez, on va attendre quand même 13 heures. Alors, évidemment, on ne s'expose pas en plein soleil, sans protection, parce que ça fera des dégâts. Mais dans un monde idéal, il faudrait qu'à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, on s'expose plusieurs fois par semaine, 10 à 15 minutes. Mais alors, si on retire de tous ces jours-là, les jours où il pleut, où il fait gris, où on n'a pas le temps, on se dit que faire le plein de vitamine D, rien avec le soleil, c'est vraiment pas gagné d'avance. Mais on s'expose habillé ou tout nu ? Enfin, je sais pas. Non, il paraît que les avant-bras et le visage, ça suffit. Ça suffit ? Oui, mais d'accord. Alors s'il fait gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitamine D quand il fait gris ? Non, il n'y a rien. T'as qu'à manger. Faut vraiment du soleil. Il faut vraiment du soleil. La vitamine D, on en trouve aussi dans l'alimentation. Hein, oui, alors on en trouve par exemple dans le jaune d'œuf, dans les poissons gras, dans le foie. C'est pas vraiment non plus ce qu'on mange tous les jours. Donc on peut aussi éventuellement se tourner vers des compléments alimentaires. Moi je me suis dit, bon, il fait encore beau aujourd'hui, mais dans les prochains jours on nous dit que ça va être un peu moins agréable. Donc hier, quand je suis rentrée à la maison, je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai acheté quelques ampoules de vitamine D, parce que moi mon médecin par exemple, il me dit il faudrait prendre une ampoule toutes les deux semaines. Bon là par exemple, pour 4 ampoules j'ai payé 5 €, je vais tenir 2 mois. Bon allez, c'est encore relativement raisonnable. Hein. Mais finalement, elle sert à quoi cette vitamine D ? Eh bien, elle est essentielle pour nos os, pour nos dents. Elle va par exemple nous aider à prévenir l'ostéoporose, c'est important. Ouais, mais il n'y a pas que la vitamine D dans la vie non plus. Mais non, alors, la vitamine la plus célèbre, c'est la vitamine... La vitamine C, celle qui va booster notre système immunitaire, qui va faire qu'on va pas être malade cet hiver. toujours en pleine forme. Celle-là, on la trouve dans plein de fruits, dans plein de légumes. Mais il faut quand même faire attention à un petit truc, c'est que pour les légumes, si vous les cuisez, on peut les cuire, hein, ça bouffe pas toute la vitamine qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas faire des cuisons trop fortes, parce que là, il y a quand même un peu de vertu nutritionnelle de ces aliments qui va disparaître. Alors, vitamine D, vitamine C, vitamine A, vitamine B, il y a tout l'alphabet en fait. Hein. Oui. Perso, je ne connais pas la vitamine W ou la vitamine Y, non, mais si quelqu'un mais connaît, il peut toujours. Dites-le-nous. Mais par exemple, est-ce que vous connaissez la vitamine K ? La vitamine K. Ah oui, on donne ça aux bébés quand ils naissent. Moi, c'est vrai que c'est plus important pour les bébés que quand on est adulte. C'est une vitamine qui joue un rôle essentiel dans la coagulation sanguine. Et d'après vous, allez, un petit jeu, on la trouve dans quel aliment ? La vitamine Le K. Le brocoli. K. Non. Oui, dans les légumes vert foncé. Oh, je dis ça au hasard. Oui, ben non, et aussi dans les abats, ce qu'on mange aussi, un peu moins souvent. Alors, si vous ne vous en sortez pas dans toutes ces vitamines A, B, C, D, E et j'en passe, vous pouvez toujours avoir recours à une petite chanson, la danse des vitamines. On écoute un extrait. C'est la danse des vitamines. Ah, bien. Voilà. Et on la trouve où cette chanson ? Au soleil. Ils ont retrouvé. Et alors, elle vous passe en revue la A, la B, la BE. Il y a la B2, la B5. Parce qu'en plus, il n'y a pas que des lettres. Il y a des chiffres aussi. Donc, c'est compliqué quand même. Vous pourriez vous occuper de la programmation de cette chaîne, en fait. Tout à fait. Je vais me reconvertir. À la place de Amir, qui arrive dans un instant, on aurait pu avoir la danse des vitamines. Bon, on va se contenter d'Amir. Et puis après, on vous parlera d'enquête de questions à la une ce soir. Sur les cartons. Sur les cartons et les emballages. Est-ce qu'il faut se méfier de ces trucs-là. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance ? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique. Les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79€ seulement sur moustique.be/rentrée. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied ? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans penser en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Vivacité avec J'ai cherché. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On vous parle d'une enquête qu'on verra dans Question à la Une ce soir. Françoise, vous vous êtes penchée sur les cartons. Et oui, on a trouvé des produits chimiques, notamment dans des pâtes à lasagne de chez Delaize et dans le riz long grain de chez Carrefour. Et ce sont, à votre avis, quoi ? Des huiles minérales, des dérivés du pétrole. Ah bon, carrément, carrément. Mais des produits chimiques retrouvés dans des aliments emballés, alors ? Dans les cartons. Oui, emballé dans du carton. Dans des cartons recyclés alors ? Oui. Bizarre. Mais pas que dans les cartons recyclés, je vais vous expliquer. Oui. Mais sinon vous regardez ce soir l'enquête parce que non, je vais non, pas mais tout d'abord. Pouvoir vous expliquer. Alors, on a trouvé deux sortes d'huiles minérales, c'est les moches et les moas. Les moches, ce sont des huiles minérales saturées qui s'accumulent dans notre organisme, au niveau du foie et du système lymphatique. Alors, on ne va pas en mourir, rassurez-vous, mais disons que notre organisme a beaucoup moins de vitalité. Il va donc ralentir. Ça, c'est les et moches. Puis, les moches, oui. C'est moche. Hein. Et puis, il y a les moas, des huiles minérales aromatiques. Mais les moas, les toas, tu parles de toas. Non, les moas, M-O-A-H. Okay. Elles sont potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbent le système hormonal. Déjà en 2012, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donnait un avis très préoccupant à leur sujet. Et elles viennent d'où ces huiles minérales ? Eh bien justement, il y a plusieurs sources de contamination. Alors tout d'abord, il y a déjà les encres qui sont faites à base d'huiles minérales que l'on retrouve sur tous les paquets. Ouais. Puis aussi, il faut savoir que le carton, quand il est recyclé, en fait, on le recycle avec nos journaux. Et dans nos journaux et nos magazines, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi des encres à base d'huile minérale. Et donc ces encres, même si on trie les cartons et les papiers, il y en a toujours un petit peu qui se mélangent. Et quand on refait une pâte à papier de papier recyclé, en fait, tout est mélangé. D'accord. Et donc tout se retrouve dedans. Oui, mais comment ces huiles minérales pénètrent dans les aliments ? Mais parce qu'en fait, les aliments secs. Il faut savoir que ces huiles minérales sont volatiles. Et donc, elles traversent les parois du carton pour se concentrer dans les aliments secs. Plus le temps de stockage est long, plus ces molécules chimiques vont pénétrer dans nos aliments. Alors, un petit truc d'ailleurs, si vous achetez donc des pâtes, du couscous, des choses comme ça, tous les produits secs, vous les mettez directement dans un bocal en verre. Mais j'ai pas D'accord. fini, parce qu'il n'y a pas que les encres aussi. En fait, ça peut être aussi contaminé au niveau en fait, du processus de fabrication. Il y a des additifs alimentaires qui sont faits à base d'huile minérale, des agents de démoulage, des lubrifiants des machines de production, par exemple pour couper les lasagnes. On met des huiles et ce sont parfois des huiles D'accord. minérales qui se retrouvent aussi dans les aliments. Il y a aussi notamment beaucoup de cacao qui contiennent des huiles minérales. Pourquoi ? Parce que les toiles de jute qui servent de transport sont gorgées d'huile minérale. Est-ce qu'il y a une réglementation ? On va terminer par ça, Françoise. Est-ce qu'il y a une réglementation pour tout ça ? Non, aucune règle. Aucune norme européenne, et c'est pourquoi on retrouve ces composés chimiques dans nos aliments. Alors, il est grand temps que ça change. On a assuré au cabinet du commissaire européen de la santé, la sécurité alimentaire et l'environnement, M. Andriakoudis, que cela allait bouger. On nous a déjà dit ça au mois de juin, on est le 15 septembre, et rien ne toujours rien en vue. Enquête sur les cartons et la migration des produits chimiques dans nos aliments, ce soir à partir de 20h20, dans le magazine Question à la Une. On poursuit, nous, avec de la musique. Musique signée Lilywood and the Prick avec Prayer in Sea. Belle fin de matinée sur Vivacité. On vous rappelle qu'il y a une question sur la page Facebook. On parle d'égalité dans les tâches ménagères. Justement, 1h20 en plus pour les femmes consacrées au ménage. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Dites-le nous sur la page Facebook. On n'est pas des pigeons. On vous lira après les infos. Viva Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnesdesmuseesbruxellois.be. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Win for Life, c'est 2000€ par mois à vie. De quoi aller si souvent au restaurant que tu en oublierais parfois que tu es juste chez tes beaux-parents. Voilà, voilà, les enfants, c'est mon ragoût, vous m'en direz des nouvelles. Oh, du ragoût, je vais peut-être jeter un œil sur le menu, moi. Vous avez des suggestions? Puis, entre-temps, vous pourriez peut-être nous apporter quelque chose à boire, hein? Non, mais dis donc, ça va pas, toi? Pfff, eh ben, elle craint, la serveuse, hein, elle peut oublier son pourboire. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Près de 40 licenciements chez Eurostation, une filiale de la SNCB. L'annonce est tombée ce matin. Le conseil d'administration justifie sa décision par la baisse du nombre de missions et de prestations attendues pour les prochaines années. Une procédure Renault de licenciement collectif doit être entamée. Eurostation emploie près de 170 personnes. Cette filiale de la SNCB est en charge des travaux dans les gares belges. La suite du dossier Caterpillar, rencontre confirmée entre la direction américaine et les représentants des gouvernements fédéral et wallon. Le rendez-vous est fixé à 13h30 au Palais d'Egmont à Bruxelles. On a appris que la délégation de la multinationale sera composée de 6 personnes. Du côté belge, Charles Michel et Chris Peters pour le gouvernement fédéral, Paul Magnette et Jean-Claude Marcourt pour le gouvernement wallon. Ils entendent bien rappeler à Caterpillar les règles de la concertation sociale et la procédure prévue dans le cadre de la loi Renault. Mais inévitablement, des deux côtés de la table, l'occasion devrait permettre de tester les marges de manœuvre des uns et des autres, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan social. Alors pour l'instant, Caterpillar donc prend de plein fouet une décision de fermeture organisée à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence. À l'avenir, d'autres sociétés pourraient suivre. C'est le constat d'Agoria pour la Fédération de l'industrie technologique. L'entreprise Carolo n'est pas la seule à souffrir d'une fragilité liée à son organisation. Et c'est surtout le profil des entreprises qui pose problème. Thierry Castagne, le directeur général d'Agoria en Wallonie. C'est moins une question de secteur qu'une question de profil d'entreprise, donc avec un centre de décision à l'étranger, avec effectivement une incapacité d'avoir une action sur la recherche-développement, sur les produits, sur l'accès au marché. Ces entreprises d'ailleurs ne participent pas au pôle de compétitivité et au plan Marshall parce que précisément elles n'ont pas cette liberté, cette capacité au niveau wallon de pouvoir s'intégrer dans ces processus d'innovation sur les produits, sur la recherche, sur la diversification sur les marchés par exemple. Une interview réalisée par Karl Defoy. En sport, le nouveau président de l'UEFA est connu. Il s'appelle Alexander Čeferin. Cet avocat slovène a été élu à une large majorité ce matin lors du congrès ordinaire de l'UEFA à Athènes. Il a été préféré à son adversaire néerlandais Michael van Praag. Françoise Aleski, c'est donc le choix de la jeunesse qui a été fait. Michael Van Praagh s'était comparé aux Rolling Stones pour démontrer qu'à 68 ans, la connaissance et la sagesse étaient de son côté. Un argument qui n'aura séduit que 13 des 55 pays votants. Les 42 autres ont choisi Alexander Seferin, 48 ans et très peu d'expérience. Président de la Fédération slovène de foot depuis 5 ans, il n'a jamais joué ou entraîné. Avocat pénaliste, il se décrit comme un homme passionné, un homme de parole sans égo qui ne fait pas de promesses irréalistes. Il l'a tout de suite démontré en disant qu'il ne pourrait rien changer à la récente réforme de la Ligue des champions, réforme très favorable aux riches et grands pays et critiquée par les petits. Pendant sa campagne, Seferin avait toutefois plaidé contre une Coupe du Monde à 40 pays et pour le retour à un pays hôte unique dès 2024 pour l'Euro. Seferin veut néanmoins faire souffler un vent de changement sur l'UEFA pour faire oublier les tempêtes liées à la suspension de son prédécesseur Michel Platini, dont il achèvera le mandat, 2 ans et demi de présidence, pendant lesquels il devra veiller à une redistribution juste des richesses en toute transparence. Son plus grand défi sera bien entendu de faire redorer le blason du foot européen. Toujours en football, le club de Bruges en Ligue des Champions ce soir. C'est le seul club belge dans la compétition. Et le premier match des Brugeois, c'est face à Leicester. Un match à suivre en direct sur Vivacité dès 20h. En cyclisme, le Grand Prix de Wallonie démarre en ce moment même de Beaufailly, près de Liège. Les coureurs parcourront un peu plus de 200 km jusqu'à la citadelle de Namur. Parmi eux, notamment Tim Wellens, Jens de Buchereux ou encore Enrico Gasparotto. Enfin, un Belge à suivre aujourd'hui aux Paralympiques de Rio, les Jeux paralympique, c'est Joachim Gérard. Il joue la demi-finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant face au Britannique Alfie Hewitt. La rencontre est prévue en début de soirée. RTBF Mobile Info, avec vous Antoine Binamé, il y a un accident sur la E40 qui implique plusieurs camions. Oui, plusieurs camions sur cette E40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles à hauteur de Barchon. Le passage est difficile, s'effectue uniquement via la bande de gauche. Actuellement, vous perdez quasi une heure en direction de la capitale. Évitez vraiment ce secteur si c'est possible pour vous. Vous le savez, vous venez de le dire, Grand Prix de Wallonie entre Beaufailly et la citadelle de Namur. On vous tiendra bien évidemment informé des éventuels problèmes de circulation que cela poserait, mais il n'y en a pas pour l'instant. Et pour le reste, eh bien, circulation plutôt calme sur nos routes à cette heure-ci. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous retrouvez Sébastien Nolvaux sur Vivacité pour On n'est pas des pigeons. Merci Justine, bel après-midi. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, nous nous adresserons notamment à tous ceux qui ont des travaux de peinture. Il existe un système pour peindre vite et sans tâche. C'est trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire ça, Anne-Laure. Ça s'appelle le Brush Master. On l'a testé, on va vous dire ce qu'on en pense et si c'est vraiment plus facile de peindre avec ça ou pas. On appellera Leopoldo aussi, qui a reçu un colis avec des pilules. Le souci à Nice, c'est qu'on lui réclame des sous alors qu'il n'a rien commandé. Ben oui, comme d'habitude, hein, 60 petites pilules bleues, jaunes, rouges ou vertes, peu importe, mais il doit quand même... La couleur, rigole pas, la couleur est importante. Hein. Bah oui, c'est comme les vitamines, quoi. Voilà, bon. Exactement. Saskia va nous parler d'un site internet qui sera bien utile pour les étudiants. Oui, on va parler de ViaFlat. C'est une plateforme qui aide les étudiants en fait à trouver un cote. D'accord. Et puis notre question du jour, on la rappelle. Les femmes consacrent 1h20 de plus par jour aux tâches ménagères par rapport aux hommes. Hommes et femmes sont-ils égaux dans les tâches ménagères? C'est ce qu'on vous demande sur Facebook. Et je vous dis tout de suite, on n'est pas pour la paix des ménages ici. Hein, parce que Jacques nous dit qu'il n'est déjà pas d'accord avec ces chiffres. Je suis retraitée et mon épouse travaille encore. Quand elle rentre, tout est prêt, sauf le repassage. Il y a des limites aux mâles possibilités, nous dit-il. Oh, mais c'est facile à faire, leur passage. Mais oui. Mais évidemment, continuez, battez-vous sur Facebook, parce que c'est ça. Ah, ça se bat, je peux vous le dire. Vous pouvez réagir aussi avec la rédaction On n'est pas des pigeons par mail, hein? Oui, par mail, c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez envoyer un message aussi par SMS au 3063, ça coûte 50 centimes, ou laisser votre message sur le répondeur 070 222 660. Et si vous aimez Céline Dion, il y en a aussi pour vous. Encore un soir, encore une heure. Mais si vous aimez Kenji Girac, vous serez aussi servi. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule. Il est midi 8 bientôt. Bon appétit si vous passez à table. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Charlie Puth sur Vivacité avec cet hommage à Marvin Gaye. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On va vous parler à présent d'un site internet qui va aider les étudiants à trouver un code, Saskia. Oui, on va parler de Via Flat, ou on pourrait même dire l'Airbnb des étudiants. En fait, c'est un site qui a été lancé par 3 jeunes belges à Maastricht. Et le site permet de rechercher un code sur base de toute une catégorie de critères, et dont certains très spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander d'avoir un bain, d'avoir une machine à laver, ou encore un abri pour vélo. C'est bon, drôle. Pourquoi pas. Et l'interface est très simple à utiliser, un peu dans le style d'ailleurs de celui de Airbnb. Et la nouvelle, eh ben, c'est que le site qui n'était disponible qu'aux Pays-Bas, eh ben, jusqu'à présent, il vient de s'élargir en Belgique, pour l'instant qu'à Bruxelles et à Liège, mais il se pourrait qu'il s'étende à d'autres villes belges. Au téléphone avec nous, on a Robin qui est un des concepteurs de ce projet. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, comme vous l'avez dit dans la présentation, notre fonctionnement est assez similaire à Airbnb. Donc, les réservations de logements et de cotes peuvent être faites directement en ligne pour des durées de minimum 30 jours jusqu'à 12 mois ou plus. Donc, l'étudiant n'a pas besoin de se déplacer pour faire une visite. Donc, vu qu'en tant qu'étudiant, la recherche de logement est assez laborieuse, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet et il faut faire des visites, aller en métro quand on ne connaît pas une grande ville. Généralement, c'est assez compliqué. Donc nous, on a décidé de faire le procédé de trouver un logement complètement en ligne. Donc pour ce faire, on a des photographes locaux qui sont dans chaque ville, qui prennent des photos et des vidéos des logements. D'accord. Donc, et comment est-ce que vous choisissez les... D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez les propriétés qui vont justement sur votre site ? Vous allez les chercher ou c'est elles qui viennent à vous ? Alors, on a environ la moitié des propriétaires qui nous contactent pour eux-mêmes placer leurs annonces sur le site. Et le reste des propriétés, en général, on recherche plutôt des logements meublés, étant donné que la cible principale des clients de Via Flat sont des étudiants internationaux, principalement des Erasmus, mais également des personnes qui viennent faire un master, par exemple à Bruxelles ou à Liège, ou qui restent pour des cours de langue, etc. D'accord. Et au niveau de la vérification de la fiabilité justement des propriétaires, quels sont vos critères ? Alors, principe de, à la base, on rencontre chaque propriétaire. Donc, l'annonce n'est que acceptée après avoir rencontré en personne le propriétaire. Ensuite, nos photographes, en visitant le logement, nous font toujours un petit rapport du logement et de son état. Si l'état est dégradé, on ne va jamais mettre l'annonce en ligne. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une certaine vérification au niveau de la propreté du logement, de s'assurer qu'il soit sécurisé, qu'il y ait possibilité de fermer la porte, etc., du bruit aussi. Donc, on essaie vraiment d'avoir un certain standard de qualité, étant donné que l'étudiant ne visite pas au préalable le logement. Il faut qu'il soit satisfait lorsqu'il rentre dans sa pièce et dans son code. D'accord. Et justement, on parlait d'Airbnb. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Parce que moi, en tant qu'étudiante, ben, je peux très bien aller louer une chambre ou un appartement pendant plusieurs mois sur Airbnb. Donc, quelle est la différence ? Oui. Alors, Airbnb, principalement, est focalisé sur les logements touristiques. Donc, pour une nuit ou plusieurs nuits. Et donc, les prix sont assez chers. Et le problème avec Airbnb, c'est que les propriétaires acceptent parfois des réservations plusieurs mois à l'avance. Donc pour un étudiant qui voudrait par exemple rester de septembre à fin décembre, le propriétaire va lui dire à partir d'un moment « Ah, tu dois partir parce que j'ai une autre réservation que j'ai acceptée. » Annie, question ? Oui, le montant des loyers en général, des chambres qui sont proposées ? Alors, à Bruxelles, on essaie de s'y retrouver aux alentours de 400 à 500 euros et à Liège aux alentours de 300 euros. Maintenant, pour des studios ou des appartements, ça peut aller plus cher ou vers même parfois aux alentours des 1000 euros si c'est pour des logements qui peuvent être loués à très court terme. Bruxelles, Liège pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres villes qui vont suivre ? Alors en Belgique, on aimerait bien s'implémenter dans une ville flamande. Mmh. On n'a pas encore trop d'idées, on pense Gand. Sinon, les prochaines villes, ce serait en Espagne et au Portugal. C'est le bon plan du jour, finalement, pour tous les étudiants qui nous écoutent et qui ont peut-être dans leur entourage quelqu'un qui vient d'une autre communauté, d'un autre pays, pour faire quelques semaines en Erasmus. Viaflats.com, c'est le titre. Il y a Céline Dion qui arrive. Et puis, les bricoleurs, soyez tout ouïe. Nous allons tester... Attendez, c'est le Brush Master... C'est ça, c'est ça, le Brush Master. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est une brosse pour peindre qui remplace le rouleau et les pinceaux. Ah, carrément. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendeuvel. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur îleausacré.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Exiger un parquet de qualité, qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent, tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Céline Dion sur Vivacité avec Encore un soir. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Amis bricoleurs, ouvrez grand vos oreilles. On a un truc révolutionnaire si vous avez des travaux de peinture à faire. Quelque chose, alors, qui va simplifier la vie. Plus vite qu'un pinceau, plus lisse qu'un rouleau. C'est ce que dit la publicité avec le Brush Master. On va vous simplifier la vie. Vous allez pouvoir appliquer votre peinture plus facilement, sans faire de vilaines coulées, pas d'éclaboussures. Et c'est pour toutes sortes de peintures. Ça a l'air magique et comme ça. Ça fonctionne vraiment ? Eh bien, on l'a fait tester par une peintre professionnelle et par une peintre du dimanche. Les deux ont eu le même morceau de mur à peindre, avec une prise, etc., des contours, des plaintes, la totale. Et elles ont fait le même constat. Vive le rouleau, vive le pinceau. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé par la peintre du dimanche, qui n'arrivait déjà pas à appliquer la peinture, qui a fait des grosses coulées sur le mur. C'est une peintre du dimanche. Oui, voilà. Mais après, la pro, même chose. Et puis, elle a constaté un autre truc, c'est que ce kit, il contient deux tailles de brosse, une large pour faire vraiment le mur. Et puis, pour les détails, vous avez une brosse plus étroite. Sauf que cette brosse plus étroite, elle ne passait pas entre la plinthe, la porte et la prise. Oui. Donc, en fait, il a fallu quand même aller chercher un pinceau. À un moment donné. Donc le Brush Master, c'est bien, ça vous dit que c'est un kit complet, mais en fait, ça ne suffit pas. Et on l'a là sous le nez, ça fait un peu plastique cacaille, tu vois. Ça coûte combien ce Brush Master qui fonctionne moyennement ? Ça coûte 21€ pour le kit que vous avez là. Il faut savoir qu'il existe d'autres marques, hein. Il n'y a pas que le Brush Master. Sur Internet, vous trouvez d'autres marques qui font à peu près le même système. Bon, est-ce qu'on peut donner finalement des conseils pour les personnes qui se lancent dans les travaux de peinture ? Ah, première chose, le choix de la peinture. Ça, c'est toujours un grand moment, puisque vous avez des petits cartons qui vous mettent la couleur que vous êtes censé avoir sur le mur. Sauf et quand vous revenez, vous revenez avec votre pot de 5 litres que vous avez fait faire, donc en plus vous ne pouvez pas ramener à la maison, vous mettez sur le mur et ça n'a pas du tout la même couleur que sur le petit échantillon que vous avez eu. Alors le conseil, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est d'acheter un testeur, quand c'est possible évidemment, parce que quand c'est de la peinture que vous faites faire sur base d'une couleur, parfois vous n'avez pas la possibilité de tester, alors achetez en la plus petite quantité possible. Les testeurs, ça coûte entre 2 et 4 euros, c'est pas mal, vous avez 40 millilitres à l'intérieur. Par contre, ne mettez pas la couleur directement sur le mur, appliquez-la sur un carton blanc assez grand et passez d'un mur à l'autre pour voir la différence de luminosité, donc le rendu de la couleur en fonction des murs et si possible en fonction des éclairages, le soir, avec la lumière artificielle, en pleine journée, etc. Comme ça, vous serez sûr de la couleur. À part la couleur, on fait attention à quoi dans le choix de la peinture? Les substances chimiques, évidemment, si vous voulez les éviter, vous optez pour des peintures naturelles. Les matières premières dans ces cas-là proviennent le plus possible de ressources naturelles renouvelables. Exemple, les peintures à la chaux et à l'argile. Pour ceux qui les ont utilisées, elles sont super agréables à appliquer. Le seul défaut, c'est qu'elles mettent plus longtemps à sécher. Donc genre, vous ne pouvez pas appliquer deux couches sur votre mur pour la même journée. Vous n'allez pas pouvoir faire deux couches. Elles sèchent moins vite, mais elles sont plus respirantes. Donc ça, c'est l'avantage, par exemple, pour une salle de bain. Ça va laisser passer l'humidité, donc vous allez éviter les vilaines cloques, vous savez, qui se forment au bout d'un moment sur votre peinture. Les peintures type latex, le solvant c'est l'eau, donc ça se nettoie à l'eau, mais il y a quand même d'autres solvants qui sont ajoutés, des pigments, et donc ça, il y a des émissions qui s'échappent, des émissions de COV, des composés organiques volatiles avec ce type de peinture, ce que vous n'avez pas avec les peintures naturelles, et c'est une mention qui est obligatoire sur tous les pots de peinture depuis 2010, je ne sais pas si vous le savez, vous avez le taux de COV, donc de composés organiques volatiles, qui est indiqué en grammes par litre, je le confirme ici sur ce petit échantillon, et alors Lévis a fait fort, ils mettent quelle est la norme pour le produit, c'est 30 grammes par litre, et disent que leur produit en fait 25 grammes par litre de composés volatiles. Les peintures à l'huile, c'est les pires, les lacs, etc., c'est des produits issus de la pétrochimie, donc à respirer déjà, pour l'environnement. Super. Oui, c'est ça, quand ça, on applique c'est vraiment, ça voilà, ça c'est vraiment à éviter, quand vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a des lacs à l'eau, mais qui parfois sont moins résistantes. Et comment fait-on pour savoir aussi, alors le gros problème, t'achètes un pot de 20 litres et t'as pas besoin de tout, ou alors t'achètes un pot de 5 litres et puis il t'en faut 7,5. Enfin bref, la quantité, comment on fait? Prenez de quoi écrire, si vous voulez, je vais vous faire un petit calcul tout ça. Vous mesurez le périmètre de la pièce, le périmètre c'est le contour. Vous multipliez par la hauteur sous plafond, ça paraît logique. Donc par exemple, si votre périmètre c'est 24 mètres, fois 2,5 mètres, c'est la hauteur, ça fait 60 mètres carrés. D'accord. Après, vous divisez ça par le rendement au litre indiqué sur le pot de peinture. Par exemple, pour un litre, c'est 12 mètres carrés. Vous faites 60 divisé par 12. Donc, vous aurez besoin de 5 litres de peinture. Sauf que vous allez mettre deux couches minimum. Fois 2, 10 litres de peinture. On ne conseille pas toujours de retirer parce que vous avez des fenêtres, des portes, etc. Donc, il faudrait retirer ça du calcul total. Mais laissez-les, sauf si vous avez une immense baie vitrée, évidemment. Mais sinon, laissez-les parce que c'est les petits plus dont vous aurez sans doute besoin par la suite pour faire des retouches. Les retouches. Vous avez peint récemment chez vous Alors, l'horreur, c'est qu'il me manquait un litre. J'allais acheter un litre de peinture. Mais madame, on les vend que par 5 litres. C'est toujours le problème. 60 euros. Et voilà. Ça coûte cher en plus, les bonnes peintures. Ça coûte une blinde. Mais ça coûte un bras, effectivement. Et on ne fait pas toujours des économies en achetant les moins chers. Parce qu'il faut en mettre plus de couches. Voilà. Gros débat autour de la peinture. Je pense qu'il faudra laisser le dossier sous la main et en reparler ce soir à la télé. On en aura plein les doigts ce soir parce qu'on va la tester en plateau. Écoutez, ce soir à la télé, vivement ce soir à la télé pour faire des travaux de peinture dans le studio à partir de 18h30. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Paul est tout heureux de montrer à son ami Jean l'intérieur full équipé de sa toute nouvelle Seat Ateca. Mais Jean préfère rester à l'extérieur. Oh, super tes jantes. T'as vu ça? Allez, viens que je te montre l'écran de ma caméra Top View. Et sa ligne, quoi, elle est superbe. Entre, viens voir mon chargeur sans fil. Ça va, je le vois très bien d'ici. Bah, allez, monte, je t'emmène faire un tour. Je peux? Oh, il est jaloux. Elle est trop belle. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partager la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métay. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métay, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeux pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeux Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Il est midi 30. Les titres de l'info avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À 13h, on sera pas mal foot hein, dans l'édition du journal avec l'élection du Slovène Alexander, j'ai perdu son nom, Šefrin, à la présidence de l'UEFA. Il devra terminer le mandat du Français Michel Platini et automatiquement, il devient aussi vice-président de la FIFA durant 2 ans et demi, Alexander Šefrin. On évoquera aussi le match de Bruges en Ligue des Champions. Les Brugeois reçoivent Leicester, ils ont des chances et en tout cas ils visent le top 2 de leur groupe, c'est le patron du club qui nous le dira. Et puis il sera question de cyclisme avec le départ du Grand Prix de Wallonie, ça vient de partir de la citadelle de Namur avec quelques Belges parmi les favoris comme Yann Baklans, Tish Benoot ou encore Tim Wellens. Philippe Gilbert lui n'est pas au départ et les coureurs c'est sûr vont avoir chaud cet après-midi. On vient tout juste de l'apprendre, des perquisitions ont eu lieu ce matin à la ville de Mons. Apparemment, c'est le service des étrangers qui est visé. Des détails dans le journal de 13h. On se penchera aussi sur votre épargne. Si vous en avez, vous l'avez constaté, elle ne rapporte plus rien. C'est pire en fait. Nos carnets d'épargne finissent même par nous coûter de l'argent à cause de l'inflation. Et puis la chaleur est au menu de la journée avec des risques même pour l'ozone. Aujourd'hui, on va dépasser de nouveau les 30 degrés. Alors c'est mercredi, l'école est finie. Vous rêvez peut-être du dernier petit plouf de l'été en extérieur. Oui, mais où aller se baigner? Tout n'est pas surveillé. Eh bien, on fait le point et on vous donne tous les détails dans le journal de 13h. Le rendez-vous est pris. À tout à l'heure, Manu. On n'est pas des pigeons. J'ai passé des heures à chanter tard dans la nuit, pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui, pour le fun, pour draguer les copines, pas pour passer dans les magazines. Je ne passais pas pour voir toucher le cœur des gens, mais le destin en a décidé autrement. Je suis là devant vous sur la scène, à vous donner mon amour et ma peine. Y'a eu les plateaux, y'a eu les photos, y'a eu les télés et les bilans gênés. Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade Eva Longoria. Tout a changé, je suis passé de l'ombre à la lumière. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, roule, roule, même sans savoir où je vais. Je la joue cool, cool, cool. J'ai pas l'intention de changer. Et je roule, roule, roule avec ceux qui m'aiment. sur ma guitare. Je rêvais de concert, jamais de la gloire. Pour kiffer passer des soirées folles. Ah, pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y'a eu les tournées, les gens par milliers. Les vues par millions, par la télévision. Si par le destin, tout finit demain. Je ne sais pas où j'irai mais je sais d'où je viens. Tout a changé. Je suis passé de l'ombre à la lumière. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, roule, roule. Même sans savoir où je vais. Je la joue cool, cool, cool. J'ai pas l'intention de changer. Et je roule, roule, roule. Avec ceux qui m'aiment. Je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, roule, roule. C'était Kenji et Aurore se trémousse. Ah, moi j'aime beaucoup Kenji, oui. C'est vrai? Je peux le dire. Vous savez, il y a toujours des petites musiques un peu honteuses comme ça, bien. Voilà. C'est honteux, Kenji? Bon. Bon, pas du tout. Mais je comprends, hein, c'est dansant. Oui. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. On va arrêter de danser, on va s'occuper du cas de Léopoldo. Bonjour Léopoldo. Bonjour. Au mois de mai, vous avez reçu un colis chez vous avec deux boîtes de pilules. Ça venait de la société Pharmax. Vous n'avez rien commandé, donc vous n'avez rien payé. Et depuis, il y a des rappels de la société. C'est fâcheux, cette histoire. Combien on vous demande? Pour l'instant, le dernier ordre de virement que j'ai reçu le 2 septembre, on est à 56,90 €. D'accord. Et ces pilules, c'était quoi comme pilule? J'ai les boîtes ici, donc vitamine D et antioxydants, apparemment. Voilà, d'accord. Bon, Annie est déçue, elle aurait préféré des pilules bleues. Bah, c'est surtout Léopoldo. Mais, hein, bon, voilà, hein, effectivement. Moi, vous savez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans pareille situation? Mais écoutez, d'abord, la société, c'est la société Pharmax, qui est une société établie aux Pays-Bas, mais qui a également une adresse en Belgique. Et tous les courriers que Léopoldo reçoit, ils sont tous en néerlandais, il me les a tous envoyés. Hein, voilà. Alors, le prix de départ de cette boîte, de ce colis, c'est 7,95 €. Mm-hmm. Et donc, forcément, avec les rappels, ça augmente, plus tous les frais administratifs, on en est donc à 56,90 €. Alors, ce n'est pas un envoi, enfin, ce n'est pas un colis qui a été commandé. Et tout le monde sait qu'il y a une règle, ce qui n'a pas été commandé n'est pas dû, on peut le conserver et on ne doit pas le payer. Donc ici, il y a des rappels de paiement de la société. Vous avez effectué des démarches, Léopoldo, vis-à-vis de la société, mais à part vous réclamer des sous, il n'y a rien du tout de la part de Pharmax. Non, il n'y a rien. Donc en fait, j'ai reçu plusieurs fois des courriers, des ordres de virement. Puis moi, j'ai envoyé un courriel en leur demandant des explications. Et à partir de ce courriel, bon, effectivement, ils avaient mon adresse mail. Donc le restant des courriers ont toujours été faits par mail que je recevais de la société Pharmax. Vous êtes sûr que vous n'avez rien commandé, hein? Parce qu'un petit clic, des fois, sur un site, ça peut aller vite. Hein. Non, je n'ai rien commandé. Et puis de toute façon, ils n'avaient pas mon adresse mail, puisque je vous dis, avant d'avoir envoyé un courriel pour leur demander des explications, okay, tout ce que je recevais, c'était par la poste. Bon, on a compris ici qu'il s'agit d'un site qui n'est pas en Belgique. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on appelle le Centre européen des consommateurs. On a William Madguen en ligne, qui est juriste là-bas. Bonjour, William. Bonjour à tous. On répète, hein, il n'a rien commandé, donc il ne doit rien payer, c'est ça? Je confirme. Hein, à partir du moment où la société n'est pas en mesure de démontrer que M. Rodriguez a réellement commandé quelque chose ou a voulu souscrire un abonnement, ben, on parle d'une vente illégale, une vente forcée. Et dans ce cas-là, le consommateur a le droit de garder le colis et n'a rien à payer. Alors, William Madguen, au CEC, au Centre européen des consommateurs, vous connaissez bien la société Pharmax. Est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes de consommateurs? Oui, on a reçu en effet de nombreuses plaintes contre la société Pharmax. Alors, en général, les consommateurs nous expliquent avoir quand même reçu à l'origine un appel téléphonique ou un email promotionnel qui leur proposait de tester un échantillon gratuit. Par contre, ce qui a été tu ou expliqué de manière extrêmement brouillonne, c'est que cette offre gratuite débouchait, si le consommateur ne réagissait pas dans un certain délai, sur un abonnement impliquant des livraisons successives d'autres colis, mais cette fois-ci payants et au prix fort. D'accord, mais donc ça veut dire que les plaintes que vous avez reçues émanent bien de consommateurs qui ont reçu un appel téléphonique de la part de Pharmax. Dans la majorité des cas, en effet, il y avait eu un email ou un appel téléphonique à l'origine. Voilà. Alors, Leopoldo, est-ce que c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais vous êtes certain, vraiment, vous vous souvenez, vous auriez pu recevoir un appel téléphonique ou bien cliquer sur une bannière publicitaire Non, je suis. Vous êtes formel. En catégorie, oui, formel, je n'ai rien du tout. En tout cas, sur Internet. C'est fort probable, comme je vous explique, hein, pas de courriel avant que moi j'envoie un courriel, ils n'ont pas mon adresse. Et puis moi je leur ai demandé par courrier, enfin par courriel également, j'aurais demandé de me fournir la preuve de ma commande, hein, en tout cas des éléments qui prouvaient que j'avais bien commandé quelque chose. Bon, et ils n'ont jamais répondu. Quoi. Donc là ici, le conseil qu'on peut donner, William Madgen, c'est quoi? C'est laisser aller, quoi. On ne répond pas au prochain courrier, au prochain rappel. Tout à fait. Donc ici, à partir du moment où monsieur a déjà contesté et à partir du moment où la société ne prouve pas l'existence d'un éventuel contrat, en fournissant par exemple un enregistrement de l'entretien téléphonique ou une preuve de la confirmation de commande, on doit considérer qu'il n'y a pas de contrat et donc aucune obligation de payer. Alors on rappelle également que lorsqu'on est approché par une société via un coup de téléphone, le coup de téléphone ne suffit pas, il faut avoir confirmation par écrit d'une commande qu'on a passée par coup de téléphone, c'est bien ça, hein ? Tout à fait. La société est déjà obligée de fournir des informations claires au cours de l'entretien téléphonique sur la nature du contrat. Elle doit aussi donner certaines informations, notamment sur l'existence d'un droit de rétractation. Et puis, toutes ces informations doivent également être confirmées par un écrit, en général, un email de confirmation. Voilà pour le cas de Leopoldo. Merci, William. On rappelle que quand on a un problème avec un site à l'étranger, il y a le Centre européen des consommateurs. www.cecbelgique.be 02 542 33 89. Vous êtes en bottin téléphonique à vous toute ambulant. Seule, Annie. C'est magnifique. On rappelle aussi que sur la page Facebook, on vous pose une question. On parle d'égalité dans le ménage, c'est oui, ça oui, hein, 1h20 en plus pour les femmes, pour les tâches ménagères chaque jour. On vous demande donc chez vous comment ça se passe. Eh bien, on va vous lire dans un instant. D'accord. On fait ça juste après le disque. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en. Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Ah, vous voyez, monsieur Marc, tous ces vins à découvrir, on croirait faire le tour du monde. Et je peux dire qu'ils sont délicieux, petit. Je leur donne un 20 sur 20. Ah, c'est drôle, ça. À vous aussi, monsieur Marc, je vous donne un 20 sur 20. Pendant le festival des découvertes Carrefour Market, découvrez des vins jamais bus à prix jamais vu. Vous ne les connaissez pas encore tous, alors venez vite. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre chez votre distributeur Volvo. Première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Schaerbeek pour la fête des familles. À l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur est le fond. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Avec le nouveau... Pas mal, hein, je trouve. C'est sympa. Le cœur éléphant, c'est le titre. Sur la page Facebook, on vous demande, vous, mesdames, vous, messieurs, si vous faites des tâches ménagères, parce qu'on est parti d'une petite info comme quoi c'est les femmes qui bossent plus à la maison. Oui, 1h20 de plus, 15 minutes de plus pour s'occuper des enfants. Mais quand on dit 1h20 de tâches ménagères, c'est vraiment en comprenant tout. Hein. Donc aller chercher les enfants à l'école, parler à la gardienne, préparer la nif du fils, etc. Alors on a reçu, c'est assez drôle parce que les femmes disent toutes « Ah bah oui, on fait facilement 1h20 en plus » et les hommes disaient « Oh non, c'est pas vrai ». Donc on va commencer déjà par des SMS. « Je suis une femme, je fais 98% des tâches ménagères pendant que mon homme joue sur l'ordinateur ou dort ». Nous avons deux enfants. Okay. Vous n'avez pas osé donner le prénom. Hein. Mais la dame ne l'a pas fait, effectivement. Un conseil, quitte-le. C'est ça. Alors, on a aussi une maman célibataire. On va voir que les situations sont un petit peu aussi différentes en fonction des cas. Mais 8 heures de boulot, je travaille pour les titres service, plus 2h30 à la maison quand ma fille est au lit vers 20h45. Ça me fait quand même 10h30 de ménage par jour et je ne compte pas les heures de jardinage. Ouais, c'est chaud. Ouais. Alors, on a Michael qui, je pense, va se mettre des personnes à dos. La libération de la femme s'est faite au détriment d'autres femmes. Mais ça, les féministes ne le voient pas. Ok, tu veux une carrière et des gosses ? Pas de souci. Mais qui va s'occuper de tes gosses ? Monsieur ? Bah non, il bosse. Alors qui ? Bah la crèche. Mais qui va bosser dans une crèche ? Bah d'autres femmes, tiens. Mais qui va s'occuper de leurs enfants à elles ? Alors tu vois, chère féministe, tu le vois le souci ? Allez, voilà. Réaction. Non, s'en fout. Bah, c'est, voilà, on ne perd pas son énergie à répondre. Alors, un monsieur qui s'appelle Harry nous dit « J'ai honte de l'avouer, mais oui, je suis d'accord. Comment pourrait-il en être autrement ? Car je travaille à temps plein dès 8h et je poursuis en soirée des cours professionnels jusqu'à 22h. Quand je regagne mes pénates, c'est avant tout pour souper, puis bosser mes cours, et cela 5 jours semaine. Le week-end, je suis tellement fatiguée qu'un peu de flemme fait mon bonheur. » Et Stéphanie, « Toutes les femmes ne sont pas des fées du logis et tous les hommes des monstres. Chaque situation est différente, c'est un équilibre à trouver. Chez nous, rien d'établi à part la lessive pour moi et le jardinage pour lui. On fait en fonction des besoins et du courage de chacun. » Continuez à réagir sur la page Facebook, on vous lira encore dans quelques minutes. Mais la vraie répartition des tâches, le vrai travail égalitaire, si monsieur s'allie et que madame nettoie, c'est pas bon, ça me compte. Mais c'est ce que Guy dit. Je fous le bordel, ma femme le range. Ah ben voilà, c'est magnifique. On vous lira encore après ça.

Alors Viviane, elle dit qu'elle assume la cuisine et en grosse partie le nettoyage, mais la répartition des tâches me convient puisque je suis incapable de bricoler et mon mari ne sait pas cuisiner. Tout va bien ainsi pour nous. Alors on a qui aussi? Elisa, pas d'accord, la femme a plus de travail. En plus de son travail, elle s'occupe dans la majorité des cas de tout ce qui se passe à la maison, tout ce qui concerne les enfants. En plus de mon travail, je gère les factures et les paiements, les enfants, le ménage, le souper, parce qu'avant, la femme ne travaillait pas et gérait la maison. Et enfin, Lucie, est-ce que l'on sous-entend que cela reste un problème d'égalité des sexes? Perso, je m'occupe en plus de mon compagnon. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Moment c'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'adresse. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe. La chanson d'un troubadour, Claudio Capéo sur Vivacité avec un homme debout. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Pas des pigeons. Et comme chaque jour, on termine avec un coup de gueule. Il est signé Janine aujourd'hui. Oui, toutes les nuits et les journées, les chiens de mon voisin aboient. Ils sont au loin. Impossible de dormir la fenêtre ouverte avec ces chaleurs. Que peut-on faire? Une dame fatiguée. Des petites boulettes de viande, mais ça c'est pas mais bien. Vous pouvez... Mais Sébastien, vous êtes fou, vous mais ne pouvez non, pas dire mais ça. Je réfléchis tout haut, excusez-moi, vous avez la solution Isabelle peut-être? Des boules qui est-ce? Des boules qui est-ce pour les chiens? Pour les chiens. Allez frapper à la porte du voisin, leur demander pourquoi les chiens aboient sans arrêt, et puis si mais ça va pas. Et c'est parce qu'ils ont chaud aussi, ont les chiens, et peut-être. Et puis si ça dure, madame, le trouble de voisinage, donc malheureusement, il faudra appeler le voisin devant le juge de paix. Bah voilà, toujours les bons conseils bien démoralisants d'Annie, ça suit devant la justice. En même temps, il n'y a pas le choix, Si c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Si vous avez des choses à nous dire, Facebook, mais il y a aussi le mail, le répondeur et le SMS. Le SMS 3063, le mail pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660. Prochain rendez-vous avec toute l'équipe dont n'est pas des pigeons, c'est ce soir à la télé sur la Une à partir de 18h30 et la vie continue sur Vivacité. Avec vous, Sylvie Honoré, la vie du bon côté, on parle de sécurité, d'insécurité affective. Tout à fait, l'insécurité affective. La vie du bon côté continue avec ce soleil, bien entendu. Bienvenue à Maguelonne, mettez-vous bien devant le micro. Voilà, Maguelonne, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est la première fois que je vous rencontre. Mais oui. Vous venez d'où en fait? Parce que je sais pas très bien. Vous habitez en Angleterre? Je suis française d'origine, oui. J'habite en Angleterre. Oui. J'ai vécu 15 ans au Québec. D'accord. Où j'ai connu l'approche dont je vais vous parler, etc. etc. D'accord. Oui. Et vous partagez votre vie entre quoi? Entre encore le Québec et l'Europe? Entre le Québec et l'Europe. Ok, oui. Bien. Nous allons parler en effet d'insécurité affective aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'insécurité affective? En gros, c'est un sentiment de vide intérieur, c'est une peur constante d'être abandonné ou de se retrouver seul, une certitude aussi de ne pas être aimable. D'où vient l'insécurité affective? En avez-vous déjà entendu parler? Comment apprendre à vivre avec cette insécurité affective? Voilà les questions en gros qu'on posera Maguelonne aux auditeurs aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Grosso modo, je dirais qu'il y a énormément de personnes qui vivent dans la sécurité affective, on est d'accord ? Oui, absolument. Il y en a qui sont conscients de ça, il y en a qui ne sont pas conscients de ça, il y en a qui ne veulent pas l'admettre. Pas du tout, mais pas du tout, je n'ai pas peur de perdre l'être aimé. Non, c'est vraiment un sujet qui va toucher beaucoup, beaucoup de monde. De plus en plus, énormément, à ma grande surprise, effectivement, je pensais que j'étais la seule à être atteinte de ce mot-là. Et l'expérience depuis à peu près 10 ans que je travaille sur la question montre que ça rejoint énormément de monde. Bon, l'insécurité affective, la peur donc que l'autre que vous aimez ne vous aime plus comme vous pensez qu'il vous aime et qu'il vous aimait avant, enfin voilà, quand vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Elle sera en conférence, Maguelone Boé, ce soir à Bruxelles, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez prendre la parole, on en parle juste après le journal de 13h et le point météo de Denis que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous. On va à nouveau repousser des records de chaleur aujourd'hui avec une nouvelle journée où les 30 degrés seront atteints et dépassés dans la plupart des régions, sauf sur les reliefs où on attend 28 degrés malgré tout. 30 à localement 33 degrés possible. 33 degrés, ce sont les valeurs que l'on a enregistrées hier en Campine. On devrait les atteindre à nouveau aujourd'hui. Beaucoup de soleil avec quelques champs nuageux possibles mais sans conséquences. La confirmation du changement de temps pour demain en fin de journée à partir de la frontière française, avec progressivement un risque d'averses orageuses. Il y aura demain un dégradé de température, il fera déjà un petit peu moins chaud sur le sud, 22 degrés. Par contre, encore 28 à 29 degrés sur le centre et le nord. À partir de vendredi, le temps devient variable, un petit peu moins chaud, de 19 à 23 degrés pour commencer, et une moyenne de 16 à 20 pour le week-end. En début d'après-midi, il est 13h. Où se baigner cet après-midi? Les piscines extérieures, les lacs ne sont pas tous ouverts. Tout n'est pas non plus surveillé. On fait le point dans un instant. Des perquisitions à la ville de Mons. C'est le service des étrangers qui est visé. On suspecte un trafic de fausses cartes de résidents. Une dizaine de personnes sont entendues par la justice. Alexandre Tcheferin est le nouveau patron de l'UEFA et nous nous intéresserons aussi en fin de journal au Grand Prix de Wallonie, c'est du cyclisme.